La vérité, mes frères et la zik, reste, je l'ai pas mérité. Allez viens je t'emmène, ce soir je bois du noir, c'est terrible. Mais je suis bon qu'à foirer, donc qu'à poirer, bon qu'à ployer, lâcher des rimes. Viens, j'entame un dernier tour de piste, barbe rousse cause, F-U-R-A triple X, fiche une part de rousse corps. Viens, on marchera sous la pluie, j'avais des rêves, mais ceux d'un chien triste, mouillé, habitué à manger des restes. Et c'est la routine, rien n'aboutit, le mal est dans ma boutique. Tourne et je me fous de ce que la roue dit. Viens, j'écris ces rimes avec le sang de Kurt. Allez, plonge ta main dans ma poitrine et arrache sans le cœur. Fais-le d'un coup sec, brutal. Je te dirai à quoi ce putain de clou sert plus tard. Ma carte est grillée, un regard que seul le pack fait briller. 1979, une blague, un 4 février. Elle est de mauvais goût, sombre, mes dossiers classés. Ma peine, tu n'en as vu qu'un pour cent, mais gros, c'est tassé. Allez, viens, je t'emmène ce soir sur crasse du noir, c'est terrible. Je ne veux pas voir de larmes, mais des flammes à la surface de ta rétine. Viens, j'entame un dernier tour de piste. Moi, qu'on me laisse le cœur en place, mais que l'on m'ouvre la tête avec une paire de tournevis. Ah, faites ça d'un coup sec et brutal. Aspirez-moi une bonne fois toute cette poussière du crâne. J'ai besoin qu'on mette mes pensées en place. Lobotomisez-moi, refaites-moi voir l'étrangeté en face. Un prototype d'étoile, quelque chose qui brille mais qui en vaille grave la peine. Que je puisse te dire excuse-moi, faut que je parte parce que le crâne m'appelle. Viens, ce sera le dernier tour du stade en principe. J'ai foutu le feu à toutes les pages noires de ma vie. Ça fera office de flamme olympique. C'est le dernier sprint, on y est presque. Mes chevilles seront scarifiées. J'espère que je trouverai celui que je rêverai d'être à la ligne d'arrivée. Que je puisse le regarder de mes yeux en brosser le passé. Qu'enfin j'arrête d'avoir cette impression de vivre dans la peau d'un cétacé. Dernier tour de piste. Ouais gros, l'âme est méchée, yeah. J'y traîne 70 000 kg de déchets. Sans applaudissements, sous l'huée. Je maudisse mon avertissement, sourd et muet. Dernier tour de piste. À bout, est-ce que je t'ai pas d'être lâché, yeah. J'y traîne 70 000 kg, où je peux pas les lâcher. Tout ça sans saluer la tribune. Un dernier tour de piste avec la tristesse, puisqu'on me l'attribue. J'entame un dernier tour de piste, j'ai ma weed, mes roots core. En deuil de tout de beef et pas de weed, né Houston. Marine fait 12 tonnes, frère, après je la pesais. T'as vu leur game, c'est Woodstock, sa mère ça cherche qu'à peser. Mais ici c'est pas Hollywood, stop, faut des pattes, no life. On fumera tout, stop, on trouve le score, on pèse la volaille. Trouverons-nous la main à l'autopsie, merde, narval où je trace. Incognito, j'suis comme toxine, je travaille au casque. Le rap c'est franc, fait mal au crâne, ouais. T'as la migraine et même gavé des verres. J'ai du gras, si ça dit frère du bon, ça fait l'effet de l'Afghan. J'aimerais te chanter la belle vie, mais j'ai des faits navrants. Ma belle, je tenterai de chasser la bête, oui, mais j'ai ma peine à vendre. Demain nous effraie d'avance, les flingues, le mandat de marine. Regarde ce que nous fait la France, je suis dingue, demande à marine. Un dernier tour de piste, un public austère. On taffe, on pose dur loin des costards et des gosses qui se prosternent sous des posters. Et c'est au loin que les cloches sonnent, le dernier son du glas. Et dans le bouffe, les choses changent, la perception du bas. Plus rien à perdre avant de se loger une balle dans la tête. L'ambiance est sombre et je ne suis pas dans l'ambiance de la fête. Réussir à faire taire les grognements de l'âme. Et merde, vas-y, je te dévoilerai tout ce soir. Déballerai jusqu'à en avoir des larmes dans la voix. Et si tu dois me faire taire, vise au centre de la croix. Je jette le disque en pâture, quitte à faire un plan des Chico. Se jette en piste, affronte mes peurs, quitte à être dans tes drivaux. Je me suis toujours investi en tout bien, tout honneur. Que veux-tu trouver qui soit tout aussi beau que le bonheur? À en perdre mes inhibitions, ruiner mon intégrité, noyer mes ambitions et tourner le dos à l'éternité. Construire avec cette femme à la peau de velours d'ange. Et j'ai tourné le dos à l'homme à la chevelure blanche. La neige est fraîche comme les traces que tout est palace. Chaque mèche que j'ai faite m'efface, la route est paresse. Priez pour ma petite vie, pas prête à d'autres douceurs. Deux pieds sur la limite, carpette, taper sa coque tout seul. Votre morale de grande main, vue du parental. Comme les molars, le lendemain, j'pue le Valentine. Parfum de poule, fan ivre, ou de fumée froide. Fille, fuite des fois, me dit, pas de fun, poule et fumier foire. La neige est sale comme nous parle, la poutre est malaise. Chaque message qu'on nous parle, pour tes malaises. Parle pour de balèzes, trou dans ce pas de laine. Parle pour de balèzes, trou, nous on bat de l'aile. Peu à la pause, au milieu des piles de palettes. Le pire est pareil, heureux, la drogue te prive de palettes. Les pierres descendent, puis les mois deviennent des ans. Des pierres, des cendres, pluie, dis-moi. dis-moi d'où viennent ces anges. Le dernier tour de piste, ouais gros, l'âme est méchée. J'y traîne 70 000 kilogrammes de déchets. Sans applaudissements, sous les huées, je maudisse mon désavertissement. Sourd et muet, dernier tour de piste. À bout, est-ce que je t'ai pas d'être la chaîne? J'ai 70 000 kilos, où je peux pas les lâcher. Tout ça sans saluer la tribune. Un dernier tour de piste avec la tristesse, puisqu'on me l'attribue.